Allô, allô, allô, allô, et bonjour. Je m'appelle Pepsi Fishes. Aujourd'hui, je présente ma chambre à toi. Et j'espère bien tu vas aimer ça. Il y a un lit grand et fantastique. Ça c'est bleu, vert et très couleur plein. J'aime ça parce que ça c'est plus confortable. Mais j'aime la grande boîte d'amusement. Ça c'est plein avec casier grand et petit. J'ai pari toi vers ma pupitre parce que ça c'est violet, blanc, vert et orange. Et dans la zone de Tom, la chaise est superstar et très géniale. La fenêtre est grande et jaune avec un petit peu d'orange et bleu. Sa voix est claire de verre. La toupie est sur très coupée. La tapis est très rouge aussi. J'espère que tu aimes ma présentation. Merci beaucoup pour écouter ma présentation. Mais pendant toi aller, j'ai une blague pour toi. Qu'est-ce que c'est le nombre de téléphone de la poule? 4-4-4-1-9-1-9. So, aujourd'hui, je parlais au sujet Jacques de ma chambre. Je n'ai pas tu aimais ça. Voici Pepsi Fishes. Allez dehors. 1, 2, 3, allez. Merci. Ici, voici Etat par la First Residence. Also, c'est à la meubio. Au revoir.